soleil. J'aime bien l'Afrique. En Afrique, il y a tout ce qu'on veut. Nabandina Kinshasa, Mokaito na mouvema, na koutani la chérie na gaya motema o kifoutie. Nakatinga moya wana, na komi na bangi, ni premile ya binga yo, chérie na gaya na yo yo na pali. Il y avait aussi tant d'ambiance, comme ce que j'ai vu là-bas. Mon séjour en Afrique a été formidable, oh maman. J'ai encore envie d'y retourner, maman. Maringa, la seule en Alini. Afrika, mon bima, et Sali, mon kaya, l'Isanoé. Maringa, la seule en Alini. Afrika, mon bima, et Sali, mon kaya, chérie, tant qu'elle n'est pas vacances en Afrique, chérie, aboy, alobi, alingi, na e kakapoto. Car si les loyons gana, chérie, tant comme en Afrique, par hasard, chérie, alobi, akotika, na e kuna libe la pona di sengoe. Malinga, ya solo nandini, Afrika mobimbo, e zari koka ya di sanoe. Malinga, ya solo nandini, Afrika mobimbo, e zari. Thank you. belles filles. Aux Antilles, il y a des beaux garçons. Aux Antilles, il y a beaucoup d'ambiance. Les Antillais aiment beaucoup danser. Quoi que tu veux, quand elle Thank you.

Sende. Responsable à ma patience, soit c'est le coyon. Passion sont renacés de on se séparait sans se dire au revoir. Pourquoi mamie dit aimer, oh. amitié. À toi la faute, petite maman, qui a commencé à trahir notre amour. À toi la faute, chérie et génie. Tu m'as déçu, oh chérie et génie. Thank you. matoyi.